Il est temps que l'on se révèle, le temps enfin d'être nous-mêmes, de découvrir au fond de nous celui qu'on est, celui qui boue. Pas celui qui est formaté par l'éducation, la télé, par l'effet de groupe, oui, par les autres, même si je veux pas dire que c'est de votre faute. Mais découvrir celui qu'on serait si on avait toujours tranché, sans jamais subir d'influence, sans jamais se perdre dans nos errances. Élisée, qui je suis ? Élisée, toute ma vie. Élise a tout compris. Je suis Élise aussi. Il est temps que l'on se relève des claques d'un monde marche ou crève, qu'on efface toutes les stigmates d'être resté longtemps à quatre pattes. Se reconstruire, accepter que le monde n'est pas ou rose ou bleu, qu'il peut y avoir des nuances, que la différence est une chance. Et donc assumer qui l'on est, sans aucune crainte d'être jugé. Prouver aux autres qu'on a raison de ne pas suivre comme un mouton. Élise, oh, lève-toi. Élisée, montre-moi. Élise, une autre voix. Je suis Élise, moi. Il est temps que l'on se réveille, prenne ce qui ne va pas, mais pas en individuel, en collectif, ça va de soi. Pas pour tout le monde, apparemment, il y en a qui ne pensent qu'à eux, et qu'ils seront bien plus heureux en possédant. Ouvrez les yeux, rendez-vous compte qu'aimer les autres n'est pas une honte, qu'il faut de tout pour faire un monde, comme le disait Monsieur Drummonde. Élise, n'éteins pas ton réveil. Élise a quitté le sommeil. Élise est vraiment la plus belle. En fait, Élise, c'est elle. Il est temps que l'on se rebelle contre ceux qui nous ensorcellent, qui nous font croire qu'on ne peut pas aller par ici ou par là. Montrons-leur cet autre chemin où l'on s'accepte tous et chacun, où le principal dans la vie n'est pas d'écraser les petits. Allons-y, unissons nos voix, ouvrons nos cœurs à d'autres lois, laissons monter les cols d'amour qui ouvrira un nouveau jour. Élise, en fait aussi c'est toi. Élise te rassure quelquefois. Élise est ta petite voix. En toi.